radioactive. Qu'est-ce que c'est? C'est un seul en scène. Enfin, seul, non. Vous êtes là, c'est clair, non? C'est du théâtre musical. Avec beaucoup de comédie, beaucoup de musique. En live. C'est clair, non? Le lundi, c'est chez Magali. Le mardi, c'est chez Magali. Voilà. Radioactive, c'est une comédie musicale à un seul personnage. Enfin, je suis pas qu'un seul personnage, mais enfin si, je suis une seule personne, c'est clair? J'ai plus d'adeptes que le Dalai Lama et Francis Lalanne réunis. C'est marqué où dans la notice que la pilule, ça fait pousser des poils, hein? Radioactive, c'est une pièce de théâtre où je joue de ma vie. Enfin, mes vies. C'est clair, mais... Tu les trouves jolies, mes fesses. Radioactive, c'est moi. Bonjour auditeurs de RGM, je suis Lia, je suis ravie d'être avec toi. Alors forcément, tu t'en doutes, je ne suis pas seule. Avec moi au téléphone, l'artiste aux multiples talents et casquettes Magali Ripoll qui sera sur la scène de Saint-Étienne-lès-Remiremont pour son spectacle Radioactive le jeudi 3 février à 20h dans le cadre des Jeudis du Rire. Bonjour Magali, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous, ça va très bien, merci, j'espère que vous aussi. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors ici, nous sommes en plein cœur des Vosges, et vous, où vous trouvez-vous à cet instant précis? À cet instant précis, mon cœur est déjà avec vous, mais je suis à Paris. Je suis à Paris en train de me rendre en plein centre de Paris, dans le 10e arrondissement, pour répéter justement le show Radioactive. Je précise en deux mots, hein, c'est pas radioactif, il n'y a rien de nocif à venir voir ce spectacle. Ne vous inquiétez pas, vous allez ressortir en pleine forme. Ouf. Et voilà, je suis en plein cœur de Paris pour une journée de répétition. D'accord, super. Alors avant que je ne commence, est-ce que vous pourriez vous auto-présenter? J'aime bien quand les artistes se présentent avec leurs mots, ça donnerait quoi pour vous? Je suis une saltimbanque, voilà, okay. une artiste, chanteuse musicienne. Je suis quelqu'un de très simple, je suis pas compliquée dans la vie de tous les jours, et je me sers un petit peu du métier que je pratique pour pouvoir avoir des accès de folie qui me sont permis et pardonnés. Voilà. Ah, génial, c'est super, très bonne idée. Voilà. Alors, c'est le meilleur moyen que de montrer qu'on est complètement fou, qu'en prétextant de devoir le faire pour. Bien sûr. Quelle pour bonne son excuse. Activité professionnelle, voilà. Alors je cite, ça va être drôle, musical, chantant, théâtral, dynamique, tout un cocktail. On va bien entendu parler de votre spectacle, mais avant ça, on plante très vite le décor. Vous êtes le personnage Dingo électrique que l'on retrouve tous les soirs sur France 2, aux côtés de Nagui. N'en oubliez pas les paroles, fallait forcément le dire, hein, depuis 2007. Mais j'imagine que votre parcours n'a pas commencé là. Quand êtes-vous tombé dans la grande marmite du spectacle et de la musique plus particulièrement? Alors, j'y suis tombée officiellement quand j'ai commencé à mon activité de musicienne, très jeune, j'avais à peine 18 ans. Mmh. Mais en fait, dans cette marmite, je baignais depuis, j'ai la chance d'y baigner depuis mon plus jeune âge, parce que je suis issue d'une famille en partie de musiciens, et en tout cas où la musique et l'artistique occupent une place très importante. Et du coup, je suivais mon père sur les bals. Dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à vouloir apprendre à jouer de l'accordéon, puis ensuite du piano, à chanter. Et de fil en aiguille, ça a toujours fait partie de mes activités à côté, enfin voilà, en parallèle de mon parcours scolaire tout à fait normal, enfin voilà, classique. et voilà. Donc du coup, voilà, c'est une marmite dans laquelle je baigne depuis le début, et puis j'ai réussi à exploiter ça pour en vivre, tout simplement. C'est un petit peu la suite logique, en fait, de tout ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avec le recul, je sais qu'au fond de moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. En plus, ça veut dire, on sait même pas ce que c'est, ça, c'est un peu oui. Tout. C'est de la musique, c'est du show, c'est de l'artistique, voilà, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui dans N'oubliez pas les paroles, en fait, je le faisais avant, sauf que ça se voyait pas à la télé. Ah. Mais c'est une suite logique, et avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, mon Dieu? Enfin oui, j'ai quand même envisagé me diriger vers des voies un peu plus, j'allais dire, raisonnables, mais où est la raison, en fait? Qu'est-ce qui est normal? C'est l'important, c'est de s'écouter et de faire ce qu'on aime. Ah. On peut avoir un métier beaucoup plus sérieux et être passionné par ça. En fait, non, voilà, il s'agit pas de... Non, il n'y a pas de jugement à porter sur les voies à suivre, en fait. Voilà, j'aurais bien aimé faire du journalisme quand même. J'avais envisagé ce plan B, voilà, je m'étais préinscrite à la fac, je n'y suis jamais allée, mais bon. Voilà, c'est comme ça. C'est une bonne nouvelle pour nous, j'ai envie de dire. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première audition ou concert que vous avez fait? Oui, tout à fait. Alors en fait, je me souviens de bribes de, il y a des bribes de souvenirs qui viennent me rappeler les moments où j'ai commencé à mettre un pied sur scène. Mon professeur d'accordéon me faisait venir sur scène avec lui pour jouer un duo à l'accordéon, pour commencer à me mettre vraiment dans le bain. Mais très très jeune, c'est vrai, il a eu raison de faire ça d'ailleurs, parce que j'avais la carotte, si vous voulez. Je savais ce pourquoi je travaillais mon instrument, ce pourquoi j'apprenais à faire de la musique. Je savais que l'aboutissement, c'était ça. En fait, ça a créé un lien. Mais pour être très précise, la première fois que j'ai fait une prestation et où j'ai gagné mon petit billet et où j'étais très très contente et très fière, eh bien, figurez-vous que c'était pour animer une soirée avec mon papa, qui donc jouait de la batterie. Et on l'a fait dans un centre pour des personnes handicapées qui étaient sourdes et muettes. D'accord. Voilà, des personnes sourdes et muettes. Voilà, c'était... Alors je me suis dit, et d'ailleurs mon père avait une phrase très drôle, il avait dit « Ah bah tiens, voilà, comme ça tu peux faire des fausses notes, ils s'en rendront pas compte, ça te met le pied à l'étonne, bien sûr. » C'était très drôle sur le coup, mais je me suis dit, mais je comprenais pas comment ça se fait. Et l'organisateur de cet événement, dans ce centre-là, nous a bien expliqué, mon père le savait déjà, mais moi je l'ignorais, j'avais 16 ans. Alors, en fait, les personnes qui n'entendent pas ressentent quand même les vibrations de son, voilà, un petit peu. Enfin, alors c'est pas pour tout le monde pareil, bien sûr, mais un petit peu comme quand on est dans le ventre de sa mère ou quand on est sous l'eau. Et du coup, ils bougeaient, ils dansaient dans tous les sens. Ils étaient tellement, ils communiaient avec la musique, ils se mettaient à côté des enceintes. Et j'étais tellement heureuse, et je me suis dit, oh punaise. Avec le pareil, quand j'y repense aujourd'hui, je me suis dit, mais quelle autre plus belle prestation que ça j'aurais pu faire pour la première fois, quoi. C'était énorme. Merci. Et du coup, la musique, c'est vraiment quelque chose. On dit que c'est un langage universel, mais c'est une vibration. C'est quelque chose qui passe, et on peut faire passer tellement de choses en musique, mais vraiment dans le sens le plus large du terme. Et ça en était la preuve. Voilà, c'était ma première prestation. Super, super. Alors, chanteuse, comédienne, musicienne, hein, Magali, vous êtes un spectacle à vous toute seule. Petit aparté, vous avez sorti un album solo en 2015, si je ne me trompe pas, L'amour des lamentations, dont vous avez écrit et composé la plupart des chansons. Quant à votre spectacle Radioactive, il prend vie en 2018 sur la scène du Splendide, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous a décidé à proposer ce spectacle, justement ? C'est venu d'une idée commune, en fait, d'une envie très très forte de travailler ensemble, Gérard Pulicino et moi. C'est-à-dire qu'on se connaît. Donc Gérard Pulicino est le réalisateur de l'émission N'oubliez pas les paroles. D'accord. Il est aussi, en parallèle, producteur ou coproducteur de spectacles depuis des années. Il est auteur, il est scénariste, il est metteur en scène. Et Gérard et moi, nous connaissons depuis un peu plus de 20 ans. On s'aime énormément, et on avait très très envie de trouver le prétexte de vraiment travailler ensemble, au-delà du fait de collaborer bien sûr sur l'émission N'oubliez pas les paroles. Et un jour, il est venu me voir en me disant je sais pas ce qu'on va faire, mais ça y est, on va faire un truc, je vais te produire, on va monter un spectacle. Je voudrais que tu puisses donner sur scène à des spectateurs ce que tu donnes à l'écran dans l'émission. Et on va trouver le moyen de le faire. J'ai dit, bah écoute, cette idée m'enchante, c'est parti. Et on a amené chacun des petites briques d'idées pour commencer à construire un spectacle que sa fille, Zoé Pulicino, a écrit. D'accord. Elle est auteure, et elle a complètement ficelé et romancé une vie, la vie du personnage que j'incarne, pour pouvoir monter ce spectacle qui est une création et qui a beaucoup, beaucoup évolué. Il a été... On l'a beaucoup changé. Il est assez interactif aussi, parce que la résonance, le retour du public prend beaucoup de place. Et aujourd'hui encore, il est tellement différent de ce qu'il était au début. Puis en même temps, l'essence est la même. Enfin voilà, c'était vraiment ce prétexte de travailler ensemble et de faire vivre quelque chose sur scène. Parce que j'adore la scène, et Gérard aussi. On adore la télévision. Moi, je ne fais pas de la télévision. Moi, je pense que je fais partie d'un show. Qui, il se trouve, est diffusé à la télévision, mais on fait la même animation qu'un orchestre de bal, ou pour voilà. Oui, je comprends. Voilà, voilà. Super. Donc c'est comme ça que je le prends. Eh ben c'est génial. Grâce à vos multiples talents, vous nous entraînez dans une épopée loufoque et musicale. Hein, je cite, hein, de Vladivostok à Harlem, de Rihanna à Jean-Jacques Goldman, entre autres. La vie de Magali, c'est mieux qu'une comédie musicale. Alors j'ai kiffé ça, ça fera un super slogan. Vous interprétez donc plein de personnages différents dans ce spectacle. Est-ce qu'on peut penser que vous êtes un peu schizophrène ? Alors, oui, totalement, hein, ça je pense. D'ailleurs, je veux pas savoir combien on est dans ma tête. J'ai arrêté de compter. En fait, ce ne sont pas des personnages différents, c'est une seule femme qui, qui endosse multifacettes. D'accord. Parce qu'en fait, elle est coincée dans un hall de gare depuis 70 ans. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. On va savoir. Ah oui, il y a un dénouement de l'intrigue à la fin du spectacle, bien sûr. Oui. et du coup, elle ne raconte pas sa vie en chanson. Elle se sert des chansons des 60 dernières années pour s'inventer une vie afin de distraire les voyageurs qui sont en attente du départ de leur train ou alors qui poireautent là pendant des heures pour cause de grève, comme on connaît parfois. voilà. Et donc, du coup, elle part dans tous les sens et bien sûr, elle raconte, c'est sa vérité, mais elle raconte qu'elle a été l'amante de Pablo Escobar, qu'elle a aidé à l'élection de Nelson Mandela. Ça part dans tous les sens. Il y a tellement de chansons, d'extraits de chansons dont on a pu se servir pour monter cette histoire que voilà, c'était ça, tout s'est bien emboîté. Super. Alors, vos divers talents trouvent chacun pleinement leur place dans ce spectacle, j'imagine. Forcément. Oui, ouais. Mes talents, je sais pas, mais en tout cas mes possibilités de mon champ d'action, oui. C'est vrai que du coup je m'éclate. Il n'y a aucune arrance pour moi. C'est ça qui est formidable. Gérard m'a dit tu vas danser, j'ai dit bon bah d'accord. Tu vas jouer de l'accordéon, j'ai dit d'accord. De toute façon tout ce que Gérard dit, je le fais. non, j'exagère, mais voilà. Et il m'a dit tu vas jouer la comédie parce que c'est très théâtralisé. Bien entendu, je ne fais pas que chanter et jouer des instruments, et ça, c'est quelque chose que j'ai dû ressaisir parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, mais dans ma jeunesse, la vie a fait que j'ai pris la direction et des expériences qui concernaient plutôt le milieu musical, et tant mieux. Mais j'ai laissé un petit peu ça dans un coin de mon cœur et je m'y suis remise par la force des choses plus sérieusement et concrètement pour ce spectacle. Et quel bonheur, parce que j'aime tellement ça, jouer la comédie. J'aime tellement ça, faire croire n'importe quoi à n'importe qui. C'est génial. Et encore une fois, il est permis de le faire quand on est comédien. On peut le faire aussi quand on est politique, mais ça, c'est un autre domaine. J'ai pas voulu m'aventurer là-dedans. Je suis pas assez intelligent. Oh, quoique. Est-ce que c'est une future carrière, la comédie? Est-ce que vous allez vous diriger peut-être vers ce domaine? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? C'est vrai que du coup, du fait de travailler ça un peu plus sérieusement, je me suis formée avec différents metteurs en scène, comédiens, et c'est vrai, j'ai eu deux propositions de pièces de théâtre pour l'année 2023 et j'en suis ravie. Je pense que je vais foncer, je vais y aller. Ah, voilà. Je suis contente d'avoir pu me réconcilier parce que j'étais pas fâchée avec ça, mais Éric Logérias, qui est un formidable comédien metteur en scène, m'a sollicité plusieurs fois pour faire partie d'une formation. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, écoute Éric, je te remercie, je vais venir travailler, mais bon, je suis avec des vrais comédiens et comédiennes qui ont quand même un parcours théâtral, artistique de plusieurs décennies à leur bagage. J'ai dit, ce n'est pas mon cas, je me sens pas assez... est-ce que je devrais pas démarrer par autre chose? Il m'a dit, non, je le sais, je connais ton parcours et je t'ai vu sur scène. Il m'a dit, tu as ce jus pour faire ça. Je lui ai dit, ok. Et on a travaillé dans le détail pouvoir avancer dans cette direction et m'ancrer un peu plus et me sentir plus crédible, plus légitime. Aujourd'hui, je peux l'assumer, je peux le dire, voilà, oui, j'ai un texte de théâtre à travailler, je vais faire une lecture, je travaille ça vraiment comme je travaillais mes instruments ou des chansons. Et du coup, tout ça communie, voilà, ça crée une unicité qui m'arrange bien et qui m'épanouit beaucoup. J'ai beaucoup de chance. Oui. C'est génial. Combien de temps il a fallu pour voir naître ce spectacle Radioactive que vous allez proposer très prochainement à Saint-Étienne-lès-Remiremont chez nous, depuis le tout début jusqu'à cette finalité? Et on voit qu'il évolue encore et qu'il évoluera peut-être au fur et à mesure. C'est comme ça quand on a aussi une interaction avec le public. Mais combien de temps il a fallu pour le mettre en place? Pour le mettre en place et le mûrir tel qu'il est, au plus proche de ce qu'il est aujourd'hui, il a fallu 2 ans. Ah oui. Il a fallu 2 ans parce qu'on a commencé à le rôder un petit peu de façon plus un peu plus timide, hein, mais vraiment on abordait le spectacle à l'Apollo, qui est un théâtre à République à Paris, pour pouvoir vraiment le roder. Il avait un autre titre à l'époque, on était vraiment en train de façonner tout ça. On a commencé fin 2017, c'est ça. Et il a commencé vraiment à mûrir et à prendre son rythme. Et le public a vraiment pris sa place dans le spectacle lors du Festival d'Avignon en 2019. D'accord. Ça a été une des expériences les plus formidables de toute ma vie. C'était formidable de jouer tous les soirs, oui, ce spectacle pendant 3 semaines d'observer le spectacle, de moi m'observer sur scène et d'observer les réactions du public. Ça a été vraiment, voilà. Donc ça a pris presque, ouais, 2 ans. Et puis 2 ans de silence, là, voilà, depuis cet épisode. Et oui, c'est vrai. J'imagine qu'il y a une grosse équipe derrière vous qui travaille dans l'ombre, parce qu'on ne le pense pas toujours, hein, c'est pas forcément qu'un artiste. Bien sûr, c'est important de le dire, effectivement, merci beaucoup. Alors, pour ce spectacle, il y a eu la prise en main, vraiment, au niveau de la mise en scène d'une metteur en scène qui s'appelle Marie Guibourg, qui est vraiment une femme formidable, et elle m'a coachée, elle m'a fait travailler justement la comédie pour coudre presque à même la peau le personnage que je devais interpréter. Elle m'a vraiment, elle fait partie des personnes qui m'ont réconcilié avec mon âme de comédienne, vraiment. Je la remercierai jamais assez pour ça. Donc Marie Guibourg, Gérard Pulicino produit le spectacle, il l'a co-mise en scène avec Marie et il l'a co-écrit avec sa fille Zoé. D'accord. Donc Zoé Pulicino, Gérard Pulicino, Marie Guibourg, Isabelle Pasquier, qui est une créatrice de costumes, qui a fait des costumes, mais tout ce qu'on s'imaginait, elle l'a créé, c'est super. Il y a beaucoup d'accessoires et de costumes sur le spectacle. Et puis Rodrigue Louisard est un des techniciens, c'est un technicien artiste parce qu'il m'accompagne sur le spectacle et il déclenche des bruitages, des voix qui interviennent dans le spectacle vraiment au millimètre. Avec, par exemple, je converse avec mon père au début et à la fin du spectacle. Et mon père est incarné d'ailleurs par la voix de Michel Jonas, qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu pour incarner mon père. Et donc, quand je converse avec mon père, forcément, il faut que mon père me réponde, et Rodrigue enclenche la voix du père à chaque fois. C'est comme si c'est très fluide. Oui. Donc c'est vraiment un travail artistique au-delà du travail technique, de la sonorisation, de la régie technique telle qu'on s'imagine. Donc voilà, c'est j'oublie aussi quelqu'un, il y a un musicien formidable qui s'appelle Antoine Mollard, qui a collaboré avec moi pour les arrangements musicaux. Voilà, c'est important que je le dise. C'est noté. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Comme ça, c'est bon, je peux dormir tranquille. J'ai tout le monde. C'est compliqué, parfois. Quel est le moment que vous préférez dans ce spectacle? Vraiment le moment qui vous fait vibrer le plus, s'il y en avait un plus qu'un autre? Eh bien, c'est le moment de la fameuse bascule. Et il y a des moments de... Pas que du « je me roule par terre tout le temps, on rigole, je crie dans tous les sens », pas du tout. Hein. Faut pas que le public soit effrayé, il y a des moments où il se passe des choses normales. Il y a aussi des moments de fragilité. Il y a un moment d'émotion que j'appelle la bascule à l'approche de la fin du show. Et ce moment-là, je l'adore parce que c'est un moment... le fond de l'histoire n'est pas forcément drôle, justement. Et c'est un moment où je m'amuse à aller chercher quelque chose dans le cœur et dans les yeux du public auquel il ne s'attend pas me concernant. Et ça m'amuse beaucoup. Oh, c'est chouette. Ça m'amuse beaucoup. Et je me balade et je m'amuse. Alors, c'était un challenge au début parce que je m'aventurais sur ce terrain de la comédie. C'est bien de travailler et de se coacher et puis de travailler. Mais quand on est face au public, il est là le vrai travail, en fait. Elle est là, la vraie impro. Le fait de doser ça, c'est qu'il n'y a que avec le public qu'on peut le faire. Et au début, c'était un peu une appréhension, mais maintenant, je m'amuse à le faire. Et ça, c'est mon moment préféré. Oh. Et le moment qui vous a demandé le plus de travail? C'est tout le spectacle, parce qu'il est au niveau cardio, il y a du taf. Et là, d'ailleurs, je suis un peu... voilà, il faut que je m'y remets. Enfin, je m'y remets, justement. C'est une endurance. Il faut une endurance. Je suis pas sportive de nature. Enfin, je suis en forme. Voilà, je bouge beaucoup, mais je suis pas une performeuse au niveau cardio là. Mais ça, c'est un challenge pour moi. Ça il faut vraiment que je sois en forme. Oh, d'accord. En quelques mots pour finir, comment vous, Magali, vous décririez votre spectacle? C'est un spectacle qui fait se déconnecter. Je me permets de me servir du retour aussi du public que je auprès de qui je vais à la rencontre à la fin du spectacle. C'est un moment de déconnexion. Les spectateurs sont embarqués dans un voyage. Ils ne savent plus. J'ai eu ce retour. Hein, parfois ils reprennent un peu conscience. Enfin, si j'ose dire, pendant le spectacle, ils savent plus pourquoi ils sont là, de quoi ça parle. Ils sont embarqués. Et paf, après ça se termine et ils repartent avec la pêche, la banane, le sourire et ils ont été happés. Ah. Ils ont été déconnectés. Voilà, c'est une fiction en fait. Oui. C'est tellement important de pouvoir se déconnecter, surtout de ces temps-ci. Voilà, on a besoin de légèreté. Et merci à tous ces artistes et à vous, Magali, pour le bonheur que vous donnez au public. Merci d'y être réceptive et d'en être reconnaissante. C'est vraiment adorable de votre part de le soulever. Avec plaisir. Magali, sur scène à Saint-Étienne-le-Remiremont pour son spectacle Radioactive le jeudi 3 février à 20h. Magali, qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite ? De continuer à faire ce que je fais. Oui. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça, de continuer à faire ce que je fais, mon petit bonhomme de chemin, sans demander plus, sans demander quoi que ce soit. Je suis déjà très chanceuse. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je suis très heureuse de venir à votre rencontre parce que j'ai un ami guitariste avec qui j'ai travaillé pour accompagner Richard Gottener il y a quelques années, mm-hmm. qui habite dans votre commune, enfin en tout cas dans les environs de votre commune, et qui élève des chèvres. Il m'a dit, viens, je vais te montrer mes chèvres. Il s'appelle Julien Lapi, je l'embrasse. C'est un ami de longue date. On ne s'est pas vu depuis longtemps et je vais venir lui rendre visite. C'est génial. Je suis très heureuse. Voilà. Super. Ben voilà. L'utile et l'agréable en un seul moment. Merci beaucoup, Magali, pour votre merci temps. Merci à vous et encore. Vos réponses. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.